Le meeting des agriculteurs et des membres de l'Union des travailleurs agricoles consacré au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung s'est déroulé le 13 courant à la commune de Cheongsan de l'arrondissement de Gangso de la ville de Nampo. Y ont pris part Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les officiels intéressés, les agriculteurs, les permanents et les membres de l'Union des travailleurs agricoles.